بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu qui a révélé le livre à son serviteur et qui n'y a point introduit d'ambiguïté. C'est un livre droit, révélé pour mettre en garde contre un sévère châtiment de sa part, pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense, où ils demeureront éternellement. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Et pour avertir ceux qui disent Dieu s'est choisi un fils, alors qu'ils n'en ont aucune connaissance, ni eux, ni leurs ancêtres. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche, ils ne font que proférer des mensonges. Peut-être te consumeras-tu de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Certes, ce qu'il y a sur terre, nous l'y avons mis pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes, et de déterminer lesquels d'entre eux ont la meilleure conduite. Puis, nous allons certainement transformer tout ce qui s'y trouve en un sol aride, dénué de verdure. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Considères-tu que les gens de la caverne, dont l'histoire est gravée sur l'épitaphe, ont constitué un prodige parmi nos signes? Lorsque les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent « Ô notre Seigneur, accorde-nous ta miséricorde et fais-nous sortir de ce mauvais pas. » Alors nous avons scellé leur oui dans la caverne pendant de nombreuses années. Puis nous les avons ressuscités afin de voir lequel des deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur repos. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إلها لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Nous te racontons leur histoire en toute vérité. C'étaient des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur, et c'est pourquoi nous les avions d'autant plus guidés vers la bonne voie. Nous avions affermi leur cœur lorsqu'ils se levèrent pour dire « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous n'invoquerons jamais d'autre divinité en dehors de lui, car ce faisant, nous prononcerions une énormité. Les gens de notre peuple ont adopté d'autres divinités en dehors de lui, bien qu'ils soient incapables d'apporter une preuve évidente à leur appui. Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge au sujet de Dieu ? وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا. Et lorsque vous vous serez retirés loin d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors de Dieu, réfugiez-vous dans la caverne, votre Seigneur vous couvrira de sa miséricorde et améliorera votre sort. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Tu aurais vu le soleil, quand il se levait, s'écarter de leur caverne vers la droite, et quand il se couchait, passer à leur gauche, tandis qu'eux-mêmes se trouvaient dans une partie spacieuse au milieu de la caverne. C'était l'un des signes de Dieu. Celui que Dieu guide est toujours sur la bonne voie. Alors que ceux qu'il laisse s'égarer, tu ne leur trouveras aucun allié pour les guider. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Et tu les aurais cru éveillés alors qu'ils dormaient, et nous les faisions tourner sur le flanc droit et sur le flanc gauche, tandis que leur chien était couché à l'entrée, les pattes étendues. Si tu les avais observés de plus près, tu aurais sûrement fait demi-tour en fuyant, saisi d'effroi. قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes. Ils s'interrogèrent entre eux. L'un dit : combien de temps êtes-vous demeurés là ? Les autres dirent : nous sommes restés là un jour, ou peut-être moins encore. D'autres dirent : votre Seigneur sait mieux combien de temps nous y sommes restés. Maintenant, que l'un de nous se rende en ville avec cette pièce d'argent, et qu'il voie quelle est la nourriture la plus pure qu'il puisse nous rapporter, afin que nous satisfaisions notre faim avec. Qu'il se comporte avec courtoisie et qu'ils ne donnent l'éveil à personne à notre sujet. Si jamais ils apprennent notre présence, ils nous lapideront ou nous forceront à retourner à leur religion, et alors nous ne réussirons jamais. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Et c'est ainsi que nous fîmes en sorte qu'ils soient découverts par les gens de la ville, afin que ces derniers sachent que la promesse de Dieu est vérité et que l'heure viendra sans nul doute. Aussi se disputèrent-ils à leur sujet et déclarèrent-ils « Construisez un édifice au-dessus d'eux, leur Seigneur les connaît mieux. » Mais après délibération, ceux dont la vie prévalut dirent « C'est un sanctuaire que nous devrions ériger au-dessus d'eux. » سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Certains disent, ils étaient trois et le quatrième était leur chien. D'autres disent, en conjecturant sur ce qu'ils ne savent point, ils étaient cinq et le sixième était leur chien. Tandis que d'autres disent encore, sept et le huitième était leur chien. Dis, ô Mohammed, mon Seigneur connaît mieux leur nombre, et seul un petit nombre de personnes le savent. N'entre pas dans un débat à leur sujet, et ne t'informe auprès de personne à ce propos. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Et ne dis jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain, sans ajouter, si Dieu le veut. Et invoque ton Seigneur quand tu oublies, et dis, j'espère que mon Seigneur me guidera encore plus près du droit chemin. له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Or ils étaient restés dans leur caverne 300 ans, auxquels s'en ajoutèrent 9. Dis, Dieu sait combien de temps ils sont restés là. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est invisible dans les cieux et sur la terre. Comme il voit clairement et comme il entend parfaitement, ils n'ont aucun allié ni protecteur en dehors de lui, et ils ne partagent son commandement avec personne. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles, et tu ne trouveras, en dehors de lui, aucun refuge. Tiens-toi résolument avec ceux qui invoquent leur Seigneur, matin et soir, cherchant son visage. Et ne laisse pas tes yeux se détacher d'eux pour aller à la recherche des vanités de ce monde. Et n'obéis point à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit ses propres passions et qui a dépassé toutes les limites. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque veut croire, qu'il croit. Et quiconque refuse de croire, qu'il ne croit pas. Nous avons certes préparé pour les mécréants un feu dont la fumée et les flammes, comme les parois et le toit d'une tente, les cernera. Et s'ils implorent quelque soulagement, on leur donnera une eau semblable à du métal fondu, qui leur brûlera le visage. Quel terrible breuvage et quelle détestable retraite. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك Quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous ne laissons jamais perdre la récompense de celui qui fait le bien. Voilà ceux qui entreront dans les jardins éternels, sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y seront parés de bracelets d'or et vêtus d'habits verts de soie fine et de brocart. Et ils seront étendus sur des trônes. Quelle belle récompense et quelle belle retraite! واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Donne-leur l'exemple de deux hommes. À l'un nous avions assigné deux jardins de vignes que nous avions entourés de palmiers. Et nous avions mis entre les deux jardins des champs cultivés. Les deux jardins donnaient leur plein rendement sans jamais s'épuiser. Et nous avions fait jaillir entre eux un ruisseau. Cet homme avait des fruits en abondance, et il dit à son compagnon, en conversant avec lui, « Je possède plus de biens que toi, et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. » ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Il se montrait au fond injuste envers lui-même. Il entra dans son jardin et dit: Je ne crois pas que tout cela puisse jamais périr, et je ne crois pas non plus que l'heure viendra. Et si on me ramène vraiment vers mon Seigneur, je trouverai sûrement mieux que ce jardin en échange. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Son compagnon, avec lequel il discutait, s'exclama: Quoi? Serais-tu mécréant vers celui qui t'a créé de poussière, puis d'une goutte de sperme, et qui enfin t'a façonné en homme? Quant à moi, Dieu est mon Seigneur, et je n'attribue aucun associé à mon Seigneur. Si seulement, en entrant dans ton jardin, tu avais dit: À la volonté de Dieu, il n'y a de puissance qu'en lui, bien que tu me voies moins nanti que toi en bien et en enfant. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Il se pourrait que mon Seigneur me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, qu'il envoie sur ce dernier du ciel quelque calamité, et alors un matin, il ne restera plus qu'un seul dénudé. Ou encore, son eau s'enfoncera au plus profond de la terre, au point où tu ne pourras plus l'atteindre. Par la suite, sa récolte fut détruite, alors il se mit à se tordre les deux mains, en pensant à tout ce qu'il avait dépensé sur ce jardin. Cependant que cette treille était maintenant complètement dévastée. Puis il dit: Que je souhaiterais n'avoir jamais attribué d'associé à mon Seigneur. Il n'y eut aucun parti pour le soutenir contre Dieu, pas plus qu'il ne put se secourir lui-même. En l'occurrence, la protection ne vient que de Dieu, le vrai. Il accorde la meilleure récompense et le meilleur résultat. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Et propose-leur l'exemple de la vie d'ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. et à laquelle se mélange la végétation de la terre. Mais bientôt elle se transforme en brindilles desséchées que les vents dispersent. Dieu est certes puissant sur toute chose. Les biens et les enfants sont des parures de la vie d'ici-bas, mais les bonnes actions qui perdurent méritent une meilleure récompense aux yeux de ton Seigneur et constituent le meilleur fondement de l'espoir. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. Un jour, nous retirerons les montagnes et tu verras la terre nivelée comme une plaine. Et alors nous rassemblerons tous les hommes sans en omettre un seul. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Et il leur sera dit : Vous voilà venus à nous comme nous vous avons créés la première fois. Et vous vous imaginiez que nous ne respecterions pas la promesse de cette rencontre. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Et le livre de ses actions sera déposé devant chacun, et tu verras les coupables terrifiés à cause de ce que contient leur livre. Et ils diront « Malheur à nous ! Qu'est-ce donc que ce livre ? Tout y est rapporté, du plus petit au plus grand péché, sans qu'il n'en soit omis aucun. Et ils trouveront là, devant eux, tout ce qu'ils auront accompli, et ton Seigneur ne laisse personne. » وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent tous, à l'exception d'Iblis. Il était du nombre des djinns, et il se rebella contre le commandement de Dieu. Allez-vous donc les prendre, lui et sa descendance, pour alliés et protecteurs en dehors de moi, alors qu'ils sont vos ennemis? Quel ignoble échange pour les injustes! Ma ashhadtuhum khalq as-samawati wal-ard wa la khalq anfusihim wa ma kuntum muttakhidha al-mudillina 'adada wa yawma yaqulu nadu shurakaa'iya alladhina za'amtum fad'awhum falam yastajibu lahum وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et de la terre, ni même de leur propre création. Comment aurais-je pris pour assistant ceux qui égarent les hommes? Et un jour il dira : Appelez ceux que vous prétendiez être mes associés. Alors ils les invoqueront, mais ils ne leur répondront pas, car nous aurons placé entre eux un abîme. Et les coupables verront le feu, et seront alors convaincus qu'ils y tomberont. Et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. Et assurément, nous avons fourni aux gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples. L'homme cependant est de tous les êtres le plus disputeur. Et rien n'empêche les hommes de croire lorsque la bonne voie leur est prêchée, ni de demander pardon à leur Seigneur, si ce n'est qu'ils souhaitent subir le même sort que leurs ancêtres, ou voir le châtiment devant leurs yeux. Nous n'envoyons de messagers que comme annonciateurs et avertisseurs. Ceux qui ne croient pas ne réfutent la vérité qu'à l'aide de faux arguments. Ils prennent en raillerie nos signes, ainsi que le châtiment dont ils sont menacés. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. Qui est plus injuste que celui à qui on a rappelé les signes de son Seigneur et qui s'en détourne en oubliant ce que ses deux mains ont commis. Nous avons certes placé un voile sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas le Coran, et nous avons mis une surdité dans leurs oreilles. Même si tu les appelles vers la bonne voie, ils n'accepteront jamais de la suivre. Si ton Seigneur, le Pardonneur, le Seigneur de la Miséricorde, s'en prenait à eux pour ce qu'ils ont acquis, il leur hâterait certes le châtiment. Mais leur terme est déjà fixé pour l'accomplissement de la menace, et ils ne pourront nullement y échapper. Et toutes ces villes, nous les avons détruites quand leurs peuples commirent des injustices, et nous avions fixé un terme pour leur destruction. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. Rappelle-toi lorsque Moïse dit à son serviteur « Je ne cesserai de marcher que lorsque j'aurai atteint le confluent des deux mers, même si je dois marcher des années durant. » Puis, lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson, qui sauta alors librement dans la mer, et disparut. Lorsqu'ils eurent repris leur route, il dit à son serviteur « Apporte-nous notre déjeuner, ce voyage nous a fatigués. » قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. Le serviteur lui dit: quand nous avons trouvé refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. Et seul Satan m'a fait oublier de t'en parler, et il a curieusement replongé dans la mer. Moïse dit: voilà précisément le lieu que je cherchais. Puis ils retournèrent sur leurs pas, en suivant les traces qu'ils avaient laissées. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs qui avait été touché de notre grâce et initié à notre savoir. Moïse lui dit: me permets-tu de te suivre? Tu pourras ainsi me transmettre une partie du savoir qu'on t'a enseigné. L'autre répondit: tu ne pourras sûrement pas demeurer patient en ma compagnie. Comment pourrais-tu être patient en face de choses que tu ne peux comprendre? Moïse dit: si Dieu le veut, tu me trouveras patient et je ne te désobéirai d'aucune façon. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Si tu me suis, dit l'autre, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en parlerai pas le premier. Alors les deux partirent, et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme le saborda. Moïse dit: est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as abordé? Tu as certes commis une chose monstrueuse. L'autre répondit: ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais demeurer patient en ma compagnie? Moïse dit: ne me fais pas de reproches pour un oubli de ma part et ne m'impose pas trop de rudes épreuves. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Puis les deux poursuivirent leur chemin jusqu'à ce qu'il rencontre un jeune garçon. L'homme le tua. Alors Moïse lui dit: quoi? As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu viens certainement de commettre une chose horrible. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. L'autre lui dit: ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais demeurer patient à mes côtés? Moïse répondit: si après cela je t'interroge sur quoi que ce soit, alors ne me garde plus en ta compagnie et tu sauras alors excuser de te séparer de moi. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Alors les deux reprirent leur chemin jusqu'à ce qu'ils arrivent à un village habité. Ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur accorder l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur qui était sur le point de s'écrouler, et l'homme entreprit de le redresser. Alors Moïse lui dit : Si tu avais voulu, tu aurais bien pu réclamer un salaire pour cela. Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme. Maintenant, je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu endurer avec patience. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à de pauvres gens qui travaillaient en mer. J'ai voulu l'endommager, car il y avait un roi au pays qui saisissait de force tout bateau utilisable. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Quant aux garçons, ses parents étaient des croyants, et nous craignions qu'ils ne les affligent en se montrant rebelles avec eux et en refusant de croire. Nous voulions donc que leur Seigneur leur accorde en échange un autre enfant plus pur et plus affectueux. Quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins du village, et il y avait dessous un trésor leur appartenant. Leur père était un homme vertueux, et ton Seigneur a voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils sortent alors eux-mêmes leur trésor de son emplacement, par une miséricorde de ton Seigneur. Je n'ai rien fait d'ailleurs de ma propre initiative. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pu endurer avec patience. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. Il t'interroge au sujet de Zulqarnayn, dit « Je vais vous raconter quelques faits saillants de son histoire. Vraiment, nous avions affermi sa puissance sur terre et lui avions donné les moyens d'accéder à toutes choses. » Il suivit un chemin. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا jusqu'à ce qu'il atteigne le couchant. Là, il vit que le soleil se couchait dans une source boueuse et qu'auprès d'elle, y vivait un peuple impie. Nous lui dîmes « Ô Zulqarnayn, tu as le choix. Soit tu sévis contre eux, soit tu uses de bienveillance à leur égard. » Il dit « Celui qui aura commis une injustice, nous le châtierons. Puis il sera ramené vers son Seigneur, qui lui infligera un terrible châtiment. Quant à celui qui croit et fait le bien, il recevra en retour la plus belle récompense et nous le traiterons avec ménagement. » Puis il suivit un autre chemin. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا jusqu'à ce qu'il atteigne le levant. Là, il vit que le soleil se levait sur un peuple à qui nous n'avions fourni aucun abri pour s'en protéger. Il les laissa dans l'état où ils étaient, et notre science embrassait tout ce qu'ils détenaient. Puis il suivit un autre chemin. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما jusqu'à ce qu'il atteigne un endroit situé entre deux montagnes derrière lesquelles il trouva un peuple qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent ô Zulqarnayn, les peuples de Gog et Magog sèment le désordre dans le pays. Pouvons-nous te verser un tribut, en échange de quoi tu érigeras une barrière entre eux et nous ? Il répondit : La puissance que mon Seigneur m'a accordée vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec des ouvriers, et j'érigerai entre eux et vous une barrière infranchissable. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا Apportez-moi des blocs de fer. Puis lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit « Soufflez avec vos soufflets ». Puis lorsque le fer eut rougi, il dit « Apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. » Et c'est ainsi que les peuples de Gog et Magog ne purent ni escalader la barrière, ni y percer le moindre tunnel. Zulqarnayn dit « C'est une miséricorde de la part de mon Seigneur, mais lorsque sa promesse se réalisera, il la réduira en poussière, et la promesse de mon Seigneur est vérité. » وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Ce jour-là, nous les laisserons déferler comme des vagues, les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, puis nous les rassemblerons tous ensemble. Ce jour-là, l'enfer sera présenté, horrible aux mécréants, dont les yeux auront été recouverts d'un voile, les empêchant de se souvenir de moi, et qui auront été incapables d'entendre quoi que ce soit. Les mécréants croient-ils pouvoir prendre pour alliés, en dehors de moi, mes propres serviteurs? Nous avons certes préparé l'enfer pour héberger les mécréants. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Dis, voulez-vous que nous vous apprenions qui seront les plus grands perdants de par leur action? Ce sont ceux dont les efforts auront été vains dans la vie d'ici-bas, alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Ils ne croient ni aux signes de leur Seigneur, ni à une rencontre avec lui. Leurs actions sont donc tout à fait vaines. Au jour de la résurrection, nous ne leur donnerons aucun poids. Parce qu'ils refusaient de croire et tournaient nos signes et nos messagers en dérision, leur rétribution sera l'enfer. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Certes, ceux qui croient et font le bien auront pour demeure les jardins du paradis, où ils demeureront éternellement, sans jamais souhaiter les quitter. Dis, si la mer se transformait en une encre, servant à écrire les paroles de mon Seigneur, il s'épuiserait certes avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, même si nous lui ajoutions une autre mer de taille équivalente. Dis, je ne suis qu'un mortel comme vous, mais il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique, Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il l'adore sans rien lui associer.